Selon News 1 de Corée du Sud, les troupes d'agression américaines et l'armée aérienne sud-coréenne livrent depuis le 14 avril les exercices militaires aériens d'envergure Mersonde au-dessus de la Corée du Sud. Ils sont engagés une centaine d'avions de combat, de transport, d'avions AVAX relevant du commandement de la 7e aviation, de l'armée navale et de l'infanterie de marine des États-Unis et du commandement des opérations aériennes sud-coréennes. Ces exercices pour la frappe de précision contre notre République continuent jusqu'au 28.